On parle à l'instant à Raymond Poirier, c'est notre chronique numérique du mardi. Bonjour Raymond. Bonjour Caroline. Alors ce matin, un invité, tiens. Oui, parce qu'en fait, il y a une conférence qui est organisée, une conférence grand public, jeudi prochain, jeudi 23 février, 19h, à la bibliothèque Gabriel Roy, qui s'intéresse à la question des données personnelles entre anonymisation et surveillance. Donc c'est quoi un peu la part de vie privée qu'on a, qu'on arrive à conserver dans tout ça, dans un contexte où les technologies évoluent quand même de plus en plus rapidement également. C'est une grande question. J'ai choisi d'inviter le conférencier pour mettre la table avec nous ce matin en route vers cette conférence. Alors, il s'agit de Richard Coury, qui lui est professeur au département d'informatique et génie logiciel à l'Université Laval. Monsieur Coury, bonjour. Bonjour, Monsieur Poirier. Bonjour, Monsieur Coury. Et peut-être d'emblée, en fait, si on établit l'état des lieux actuels, on peut dire qu'on vit dans un contexte où on dissémine à tout vent nos informations personnelles ou des informations personnelles, ne serait-ce que sur les médias sociaux, il n'y en a plus que jamais disponible. C'est exact, oui. Sur les médias sociaux, sur des sites professionnels comme LinkedIn, sur des sites de revues de films, des sites commerciaux, gouvernementaux, on partage une quantité d'informations phénoménale. Et ces données-là, parfois on les partage de manière non anonyme, parfois on souhaite les partager de manière anonyme. Est-ce que dans le fond, peut-être parce que la grande question, puis j'imagine que c'est celle qui va être au cœur de votre conférence, c'est de savoir si c'est possible réellement de rendre des données anonymes, de rendre nos données anonymes. C'est effectivement une grande question. La réponse est un peu compliquée. C'est possible de dissimuler votre identité dans une base de données, d'éliminer des informations personnelles, mais pas la totalité des informations personnelles. Alors, ce soit toujours possible, d'un point de vue technique, de faire le chemin inverse et de retrouver votre identité. Donc si par exemple, je veux anonymiser des données, comment ça marche un petit peu? Est-ce que, dans le fond, on enlève des tranches d'informations ou... Exactement. C'est la seule façon d'anonymiser. On enlève des informations qui peuvent vous identifier, comme l'empreinte d'un numéro d'assurance sociale, et on enlève des informations qui peuvent être combinées ensemble pour vous identifier, comme un code postal et une date de naissance individuellement ne sont pas identifiants, mais mis ensemble, ça permet de vous pointer. Et donc, dans le fond, si je suis dans cette situation-là, les données sont anonymes, mais d'un autre côté, il y a quand même aussi, si on parle de date de naissance ou de code postaux, on peut faire des croisements de registres puis essayer de révéler l'identité derrière ces données-là quand même de manière, j'imagine, relativement facile. Surprenamment facile, oui. Ce qui est peut-être la partie subconsciente de ma présentation, c'est que c'est pas juste des informations directement à vous, comme un code postal ou une date de naissance, qui peuvent être croisées pour vous anonymiser, mais des informations que l'on ne penserait pas. Par exemple, vos préférences de film, quel film vous avez regardé, et vous l'avez aimé ou pas aimé, ça peut être croisé avec d'autres sources d'informations pour retrouver. Oui, parce que l'exemple, en fait, qui est souvent cité et que vous allez détailler, d'ailleurs, en conférence jeudi, c'est le cas Netflix où et c'est un exemple assez parlant de ce que vous venez de mentionner. Là. Effectivement. C'est pour mettre en contexte vos auditeurs, c'est un cas où est-ce que Netflix avait partagé un système de sa base de données, quelques 480 000 personnes, et avait anonymisé en effaçant toutes les informations personnelles et en gardant uniquement les cotes de films et la date parce que la cote a été entrée. Et les chercheurs ont trouvé que même avec ça, ils étaient capables de retrouver les individus et ne respectaient des conséquences légales pour de la vie privée. Donc, juste avec les choix de films, on était capable de retracer de quelle manière, en fait, est-ce qu'il y a des films qui étaient moins distribués, des films plus régionaux, oui, sur lesquels on avait donné une opinion qui permettait d'aller retracer comme ça, ou? Effectivement, il y a des films qui étaient cotés plus rares. Il y a des moments dans l'année où il y a moins de cotes d'entrée et il y a des cotes qui sont moins données. La majorité du monde vont aimer un film à 3-4 étoiles, alors les 1, 2, les 5 deviennent plus rares et plus identifiants aussi. Et en comparant ça avec d'autres sources d'informations qu'on peut avoir sur les individus comme IMDB, dans le cas de l'étude, ou n'importe quel autre endroit où est-ce qu'on peut entrer nos sites de manière non anonyme, comme Rotten Tomatoes, comme nos préférences sur Facebook, il devient possible d'apparier que l'individu a aimé le film ABC sur Facebook et sur Netflix. Et il n'y a personne d'autre sur Netflix qui a aimé ce film-là. Donc, c'est impossible de retracer comme ça. Ben, moi, en fait, je me demandais, M. Khoury, toute cette anonymisation-là, on a l'impression, moi, en tout cas, peut-être que je parle pour moi, mais je pense que je parle pour beaucoup de monde, on a l'impression qu'on n'a pas... On n'y pense même plus. Maintenant, on utilise Facebook, Google, nos ordinateurs, nos appareils. Et puis, c'est quoi l'importance là d'effacer nos traces ou d'être un peu plus anonyme? Je suis comme vous, moi aussi. Je suis sur Facebook à tous les jours et j'utilise une dizaine d'apps sur mon téléphone qui ont besoin de mes informations pour fonctionner. Alors, arrêter simplement d'utiliser ces outils ne serait pas une option pour moi et pour bien des gens. Ce que je vis surtout dans la présentation, c'est faire réaliser aux gens, pas leur faire peur et leur faire arrêter de leur faire abandonner la technologie, mais leur faire réaliser qu'ils sont en train de donner de l'information sans s'en rendre compte. J'aimerais qu'ils s'en rendent compte, qu'ils prennent des décisions plus informés et que pour c'est ça. Oui, bien, en tout cas, on est bien informé, mais on a l'impression que c'est pas dans, on n'a pas conscience peut-être du danger assez. C'est ce que je crois, oui. C'est ce que j'essaie de. C'est la raison pour laquelle j'essaie d'informer les gens. Oui, parce que d'une certaine manière, quand on regarde ce que autant, j'imagine, Facebook, Google, à partir des informations d'Apple, Netflix et le reste, ils peuvent savoir énormément d'informations. Les États aussi, on peut imaginer, qui ont accès à cette information-là aussi ou à certaines informations et en savent aussi. Donc, c'est un peu les lois qui servent de seul rempart, si on peut dire, contre les usages négatifs, si on peut dire, de ces éléments-là. C'est exact, oui. On doit... par nécessité partager de l'information, mais partager lorsque une information est utilisée à bon escient, c'est pas une mauvaise chose, mais c'est uniquement le cadre législatif, l'encadrement législatif de ces données, d'utilisation des données, qui peut nous protéger contre une utilisation négative. Parce que je me rappelle avoir lu, par exemple, même juste avec les données anonymes dont on parlait tantôt, Richard Khoury, dans le cas Netflix, je crois qu'il y avait eu une poursuite où, dans le fond, la personne critiquait parce que on avait mis de l'avant, entre autres, son identité sexuelle alors qu'elle voulait pas la mettre de l'avant et simplement à partir de son choix de film. C'est exact, oui. Le cas a été réglé en cours, mais a eu un impact sur la compagnie Netflix et maintenant la protection de la formation plus sérieux. Mais Et à travers ça, dans le fond, ça c'est quand même il y a quelques années, les technologies évoluent. Vous travaillez entre autres en forage de données, en big data, et avec l'évolution technologique, j'imagine qu'on va être capable d'aller de plus en plus loin aussi dans l'analyse, dans la compréhension de toutes ces données qui sont disponibles actuellement. Oui, la quantité de données ne fait qu'augmenter. Et nos outils, notre habilité à la traiter plus en profondeur, plus précisément, augmente également. Et notre habilité à creuser d'une manière qui surpasse l'anonymisation, si on veut, elle existe aujourd'hui, elle va pas disparaître. Et comme j'ai mentionné, notre dépendance sur cette information pour la vie de tous les jours, pour la navigation en voiture, pour choisir quel film on va voir en fin de semaine, on est rendu accro à ce partage d'informations. Donc, ça ne va pas disparaître. Monsieur Khoury, en tout cas, c'est fort intéressant. C'est un sujet qui est très important. Il faut en parler. Alors, on ira voir votre conférence jeudi prochain, 23 février. C'est à 19h à la bibliothèque Gabriel Roy. Merci beaucoup pour cet entretien et ces précisions. Merci à vous. Merci. Passez une bonne journée. Et merci, Raymond. Merci. En fait, je rappelle que Richard Courrier est professeur, lui, au département d'informatique et génie logiciel à l'Université Laval. Et si on n'a pas eu le temps de noter toutes les informations concernant la conférence, eh bien, c'est sur Bibliothèque de Québec. On va trouver l'information sur itis.ulaval.ca également. Également. Merci infiniment encore. Bonne semaine, Raymond. Merci. Bye-bye.